Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbeau Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbeau Auto est situé au 1770 boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbeau Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. C'est la chronique du MGS de Jonquière avec l'instructeur-chef Gino Gagnon. Premier match de l'histoire, 435 personnes qui étaient réunies à Jonquière. On en parle avec l'instructeur Gino Gagnon. Salut Gino. Salut Danny. Gino, moi c'est la foule. 435 personnes, avant de parler du match, 435 personnes, c'était vraiment intéressant. Je l'ai dit, il y en a beaucoup de hockey au Saguenay, donc il y a beaucoup. Tu sais, les gens, là, l'offre est énorme. Fait que déjà d'avoir eu autant de monde, c'est pas mal de fun, ça? Ah, c'était pas mal plaisant. Puis je pense que l'organisation du MGR Express a fait un travail extraordinaire. Moi, je tiens à féliciter toute l'organisation. Au niveau de la présentation, c'était très émouvant quand ils ont présenté Mathieu Caron. Puis notre commanditaire, puis toute la gang, il y avait M. Trembley aussi, Jonathan Trembley, chevin de la ville. Ensuite, c'est quand le ball est arrivé sur la patinoire, j'avais un petit peu de palpitation parce que je savais que Bob avait travaillé très fort pour cette ligue-là, puis c'était quelque chose, puis il y a eu des bons applaudissements. C'était vraiment plus fun, puis écoute, les spectateurs, c'est impressionnant. Moi, j'avais dit avant de partir que je m'attendais entre 4 et 5 ans, puis j'ai pas été déçu. Écoute, 435, c'est merveilleux. Je pense que le meilleur va rester à venir, puis c'est à nous de donner un bon spectacle, puis les gens vont adopter ce calibre-là, puis faut être patient, puis on est bien parti. Là, le défi, là, maintenant, c'est de garder aussi les 400 personnes. De ce que tu as vu, ce que les gens ont apprécié, les commentaires étaient positifs? Ben, les commentaires, ce que j'ai reçu, oui. Écoute, okay. C'est sûr qu'après la partie, on en a parlé. Les gens étaient contents. Les gens, j'ai justement parlé avec un monsieur qui m'a dit que les gens restaient surpris du calibre. Ils ne s'attendaient pas à un calibre aussi rapide. Puis ça m'a fait plaisir parce que je pense que notre commissaire a toujours dit que c'est important que la Ligue joue du bon hockey avec du jeu robuste. Puis c'est ça qui s'est donné. Puis je pense que les amateurs ont eu droit à un bon spectacle. OK, donc 400 personnes, c'est quand même très, très bon à Jonquière. Le match comme tel, comment ça s'est soldé? Ben, le match a été à l'évalue, ça a été excessivement serré. C'est joué à la fin du match, là, à la fin de la troisième période. J'ai vraiment aimé l'attitude de mes gars parce que nous autres, on se concentrait surtout sur notre zone défensive. Au niveau de notre zone défensive, on a donné seulement un but. Notre gardien Philippe Bédard a été extraordinaire, il a fait super arrêté. Ce qui a fait la différence dans le match, là, c'est notre discipline. On a eu beaucoup, beaucoup de pénalités. Puis il va falloir améliorer ça. Il va falloir mettre le focus là-dessus parce que Dolbeau, il y a une équipe excessivement rapide puis excessivement forte en avantage numérique avec des joueurs très talentueux. Fait que il va falloir mettre le focus là-dessus. Ce que j'ai aimé de ma partie, c'est mes 1 contre 1. Je pense que les gars ont été très efficaces à 1 contre 1. On a gagné 64% de nos 1 contre 1. Ça, c'est excessivement positif. Ça veut dire qu'on est une équipe quand même qui crée beaucoup de revirements. Puis ça, c'est merveilleux là en début de saison parce qu'on sait que Dolbeau ont quand même 2 semaines d'avance sur nous autres. Puis, écoute, puis on n'a pas pratiqué beaucoup. Ça fait qu'avant que le synchronisme puis tout le système est en place, ça va prendre un certain temps. Je peux dire que l'équipe va être en évaluation jusqu'au fait, parce que tu sais que dans le senior, Danny, il y a des joueurs qui arrivent, il y a des joueurs, c'est un roulement de joueurs. Hein? Ouais. Fait qu'avant que le noyau se fasse, puis que le cœur d'équipe se fasse, avec des gars qui jouent, tu sais, il y a des gars qui viennent, il y a des gars qui viennent pas, là, ça va prendre un certain temps. Mais je peux vous dire que le MGR Express va être à surveiller après les fêtes, parce qu'on a une dynamique de groupe incroyable. OK, si on y allait, je regarde ça, tu as dit 2 semaines d'avance, c'est sûr que... Puis toi, ben, quelque part, c'était un match qui comptait, mais à quelque part, c'était un match en concours aussi. C'est important pour un entraîneur de bien trouver ses trios, de la chimie, puis ainsi de suite. Là. C'est pas, tel joueur va avec tel joueur. Le camp d'entraînement était très court. Vous avez fait quoi, deux pratiques pour ce match au concours? C'est à peu près ça que ça a donné. Là. Ben, c'est à peu près ça que ça a donné. Ouais. Tu sais que, c'est comme j'ai dit, la chimie, là, pas durant la partie d'année. La chimie, tu sais, je veux dire, ma saison de hockey, c'est un marathon. Là. C'est un marathon qui débute. Fait que là, j'ai posé la question aux joueurs, les gars. J'ai demandé pour le fun, pour le plaisir, est-ce qu'il y a des gars qui ont déjà fait des marathons? Fait que je pense que c'est important de débuter rapidement, parce que dans le marathon, des fois, on fait le saut, ça débute quand même assez rapidement. Après ça, on se maintient pendant l'année, on se maintient pendant la course, ça ressemble un peu à ça. Dans le fond, il faut arriver prêt pour les séries éliminatoires, il y avait un game. Fait que ça donne rien de mettre beaucoup de focus sur le résultat. Oui, la victoire est importante, mais l'important, c'est de progresser, c'est de s'améliorer de match en match. J'ai vraiment hâte. Le 27, on s'en va à Charlevoix. Là. J'ai vraiment hâte de me rendre là. Je pense que les gars, l'important, l'attitude des gars, sont de bonne humeur. Les gars sont motivés. Puis, ce qui reste, c'est comme, dans le fond, ce qui reste à gérer présentement, là, ce qu'il faut à court terme, là, c'est vraiment gérer les émotions des gars. Okay. Des fois, c'est bon d'être motivé. Il faut être motivé dans le cercle de performance. Présentement, on est trop motivé. Ben, ça nous a coûté des nappes. C'est un nouveau tempo, là. Hey, je suis en train de parler. J'écoutais Michel Tifot avant de rentrer en nombre. Michel Tifot, qui était au match, il disait qu'il y a un dénommé Van Hout qui joue pour vous, qui a un coup de patin exceptionnel. Est-ce que c'est vrai? Oui, il y a une glisse exceptionnelle. C'est un gars qui a beaucoup de talent. Okay, c'est un militaire. C'est un gars qui a déjà fait le camp d'entraînement dans ce temps-là. C'était les Olympiques de Hull. Ce qui est vraiment beau à voir jouer. Il est très fluide. Il a de bonnes mains. Donc, il amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de profondeur. Là. Au niveau de nos six premiers attaquants, parce que nous autres, si on regarde notre équipe, au niveau des hommes forts, il n'y a aucun problème. Girard, en fin de semaine, a montré son talent. Il y a deux en deux. Il a frappé dans le mille. Moi, je lève mon crédit à Tourangeau, qui était très courageux. Là. C'était pas facile pour lui. Puis, écoute, c'est un mastodonte. On voyait ça sur le banc, là, la différence. Là. Vraiment bien façon. Au niveau de la troisième ligne, ça va super bien. Les gars sont énergiques. J'ai beaucoup de profondeur. Ce qui manque présentement, là, bon, je pense que le groupe avait fait une sortie là, dernièrement au niveau des gars de tops. Les gars, là, avec les mains, là, le hockey sense, comme on dit. C'est un petit peu ça. En fin de semaine, là, il a un petit peu de profondeur de ce côté-là. C'est quand les gars vont tout rentrer, puis que parce que j'entends des bons mots, là, les gars de Jonquière s'en viennent. Fait que méfiez-vous de l'ours qui dort. Fait que j'entends des bons mots, j'entends des mots positifs. Là, ça s'en vient. Puis je pense que le MGR. Vous êtes-tu en recrutement aussi? Vous êtes-tu toujours en recrutement? Vous êtes-tu toujours en... Tu sais, parce que j'imagine que... On essaie toujours d'améliorer l'équipe, c'est bien sûr. Puis c'est sûr que là, il y a une liste à respecter. Présentement, notre DG nous a dit que la liste était pleine. Mais tu sais, je veux dire, c'est toujours des déroulements qui se font. Tu sais, je veux dire, si, mettons, on en a un ailleurs, donc on en a un autre ailleurs, tu sais, c'est ça la game, dans le fond. Ouais, je pense qu'il faut rester à l'affût. Il faut toujours... Il faut toujours être prêt à toujours donner la chance aux joueurs et tout. Puis, je pense qu'en tout cas, je suis vraiment, vraiment satisfait là, de ce qui s'est passé en fin de semaine. Les gars, pareil. Fait que, comme je t'ai dit, il reste à travailler un petit peu la gestion de l'émotion. Puis, vraiment, attention, ça s'en vient. Hey, dis-moi, en fin de semaine, congé pour le MGA de Express de Jonquière, qu'est-ce qu'on fait quand on a une bonne séance d'entraînement, du bon. D'abord, est-ce que les parties sont filmées? Parce que tu peux te servir également du côté du vidéo pour un écouter ou analyser l'adversaire et de deux, c'est-tu filmé? En fin de semaine, malheureusement, là, on a manqué de temps pour gérer ça, mais les parties vont être filmées, c'est certain. Okay. Ensuite de ça, moi, j'ai Jean-Philippe Boivin qui fait un excellent travail derrière le banc. Là. C'est tout lui qui prend, là, il est capable de tout voir la game, puis il prend les statistiques à mesure. Fait que je suis capable de savoir les lancers, je suis capable de savoir les 1 contre 1, les mises en échec, les tournois, les revirements, ainsi de suite. Ensuite de ça, quand on va réussir à mettre en place un système vidéo, ben moi, dans ma semaine, je vais découper ma game. Puis je communique avec les gars par Messenger. Comme là, je rencontre justement un gars là. Fait que pour lui parler sa partie dans la fin de semaine. Fait que on tient ça comme ça. On tient les gars à l'alerte. Puis les gars me sortent. Puis ça les tient mal marche. OK. Donc, puis c'est en fin de semaine, évidemment, que ça va jouer. Hey, Samuel Gagnon, ton fils, a été échangé à Windsor dans la Ligue de la Mauricie. Moi, je le trouve complètement... je le trouve un peu motivé, un peu fort, là, parce qu'il joue dans deux ligues. Si j'ai fait une entrevue avec lui, je ne sais pas si vous avez eu la chance de l'écouter, mais est-ce que ça va avoir un impact, ou ça va avoir un impact sur le Samuel Gagnon qui joue pour Jonquière, étant donné qu'il joue dans deux ligues? Ça a-tu un impact ou non? Ben là, tu me surprends. Ben moi, personnellement, je ne pense pas que ça va être un impact. Ça me surprend un peu. Tu me l'apprends, je le savais ben pas. Ça, j'ai vu Samuel Gagnon de retour à Windsor. Ah non, c'est parce que Samuel Gagnon, okay. C'est parce que son ancienne équipe, puis là, il est retourné à Windsor. Excuse-moi, OK. Donc, OK, je comprends. Okay, mais là, tu me l'apprenais, là. Mais il me l'a, s'il était changé dans la nuit, il ne me l'a pas dit. Non, OK, donc de retour à Windsor, ça veut dire que, OK, je comprends ce qu'il voulait dire, là, dans le sens qu'il retournait à Windsor, dans le sens qu'il jouait un match. Mais je pensais qu'il avait, de la manière que c'était écrit, c'était vraiment pas clair. Donc, ça aurait pu très bien être de retour à Windsor dans le cadre d'une transaction. Là. Ça aurait pu être arrivé. Mais est-ce que vous jugez quand même, parce que je pense que Samuel joue dans deux lignes. Yves Girard, ton gros, ton colosse également joue dans deux lignes. Est-ce que ça a un impact positif ou négatif? J'imagine qu'ils réussissent à jauger ça. Ben, l'impact, pour nous autres, c'est sûr que ça a un impact positif quand il est dans l'alignement. Là, ça sera à eux de prendre la décision parce qu'eux autres, ces gars-là, ils ont le droit à 5 matchs dans la Ligue senior 3 du Québec. Okay. Aussitôt qu'ils vont être rendus à 4, ben là, il va falloir qu'ils y pensent. C'est certain que le MGR Express et toute l'organisation, ben, aimeraient bien ça, avoir Yves Girard, mais là, ben, nous autres, écoute, Yves, pour parler un petit peu de lui, c'est un gars qui a une excellente attitude, connaît son rôle. C'est le fun d'avoir ce gars-là avec cette équipe-là. Je peux t'en dire un mot parce qu'il est vraiment, tu sais, je veux dire, il impose le respect. Mm-hmm. Puis, tu sais, quand il parle, ben, les gars l'écoutent, puis c'est le fun. Puis, tu sais, je veux dire, gérer les hommes forts, là, je veux dire, ça prend quand même du vécu. Lui, il en a, fait qu'il aide là-dessus. En fin de semaine, justement, on a eu un nouveau joueur, là. Il y a Simon Gaston qui est venu jouer avec nous autres. Écoute, il m'a vraiment, vraiment impressionné par son jeu robuste. Le bonhomme a donné, écoute, 6 mises en échec dans sa partie. Puis c'est un gars aussi qui, comme Girard, a un grand leadership. Il aide beaucoup les gars. C'est vraiment le fun parce que Simon, il a déjà joué dans la Ligue 98-3 dans le temps. Fait qu'on voyait que le gars, il avait de l'expérience. Puis son jeu m'a agréablement surpris. Fait que Simon va joindre le club. Tu sais, ça en est un, gars de Jonquière, ça. Ben oui. Tu sais, si on peut les ramener un par un, en tout cas, je pense que ça va renforcer le club. Puis c'est excessivement positif pour nous autres. Okay. Ça va bien de ce côté-là. Okay. Ben, Gino Gagnon, ça repart maintenant dans 2 semaines. T'as dit qu'il y a un match la semaine prochaine. On va faire une entrevue avec un joueur. Tiens, on va commencer plus après les fêtes. On va parler à Gino, mais on va parler également des joueurs de temps en temps du MGR Express de Jonquière pour parler un peu comment ils aiment leur expérience dans la Ligue du Lac-aux-Fleurs. L'instructeur chef Gino Gagnon.